Section 2. Chapitre 2. Une servante, âgée, très haute, très maigre, coiffée d'un bonnet noir, entra dans le salon. Elle déposa sur la cheminée une lampe de porcelaine commune dont la lueur fit bleuir les fenêtres et réveilla l'or des cadres, les bronzes des meubles empire. M. Forgerus restait immobile, un peu gêné, son chapeau à la main. C'était un homme de 50 ans, chauve, à barbe grise, le nez aquilin, les sourcils gros, le regard ferme et circonspect. Il tenait de l'universitaire et de l'ecclésiastique. Sa redingote était fort démodée et le cordon de son binocle cassé et renoué en plusieurs endroits. « Soyez le bienvenu, monsieur, » dit madame de Chanteprie. « Vous n'êtes pas trop fatigué de ce long voyage. Monsieur de Granville se porte bien. Il ne songe pas à revenir en France ?»« L'abbé de Granville est en parfaite santé, malgré son grand âge, » répondit monsieur Forgerus. Il appartient corps et âme à son cher collège de Beyrouth. Certes, si j'avais mieux supporté le climat de la Syrie, je n'aurais pas quitté mon vénérable ami. Mais j'espère lui revenir, madame, dans 7 ou 8 ans, quand votre fils n'aura plus besoin de mes leçons. » Madame de Chanteprie appela. « Augustin, venez saluer et remercier monsieur Forgerus, qui veut bien se charger de vous. »« Nous serons de bons amis, j'en suis sûr, » dit Forgerus, en posant les mains sur les cheveux blonds de son élève, comme pour prendre possession d'Augustin. « Je tâcherai de mériter vos bontés, monsieur. » L'enfant paraissait accablé de fatigue et d'émotion, et ses cils tombaient sur ses prunelles bleues, pareilles à des violettes fanées. « Montez dans votre chambre jusqu'au dîner. Jacquine vous donnera de la lumière. »« Oui, mon fieu, » dit la servante. « Venez. » Madame de Chanteprie s'était rassise, le buste droit, les coudes à peine appuyés. Sa figure fine, entre des bandeaux blonds, n'exprimait aucun autre sentiment qu'une douceur impassible. Elle avait le teint jaune des recluses, plus jaune près de l'éclatante blancheur d'un col uni, un front haut et arrondi, serré aux tempes, un nez délicat, une bouche scellée par l'habitude du silence, des yeux sans lumière et sans couleur, dont le regard semblait tourner en dedans, vers le mystère intérieur de l'âme. « Je vous dois la vérité, madame, » dit M. Forgerus. « Lorsque M. de Granville me proposa de revenir en France pour faire l'éducation de votre fils, j'éprouvais quelque répugnance. Quitter ce collège que nous avions fondé ensemble, abandonner mes élèves, mes travaux, pour une misérable raison de santé, M. de Granville insista. Il me dépeignit votre caractère, votre existence, la difficulté où vous étiez de trouver un homme qui pût instruire, élever votre enfant près de vous. Il affirma que j'étais cet homme, malgré mes imperfections, et que je ne pouvais refuser une tâche imposée par Dieu. L'abbé de Granville a raison, vous ferez œuvre utile, monsieur, et vous augmenterez vos mérites devant le Seigneur si, par vos soins, mon fils remplit mes espérances. Dès ce jour, ma maison vous est ouverte. Ma gratitude vous est acquise. Vous connaissez l'histoire des Chanteprie. Vous savez comment ils sacrifièrent affection, repos, honneur, fortune, à ce qu'ils croyaient être la vérité. Eh bien, ce n'est pas leur doctrine, c'est leur constance qu'il faut donner en exemple à Augustin. Fils de Chanteprie, il doit rester Chanteprie, attaché à sa foi plus qu'à ses biens, plus qu'à sa fortune, plus qu'à sa vie. Oui, dans ce siècle d'impiété et d'insolence, où tant de chrétiens se relâchent et se déshonorent, par des compromissions. Je veux que mon fils soit un chrétien véritable, chrétien par ses sentiments et par ses actes, scrupuleux, tenace, intransigeant. « Eh bien, madame, » dit M. Forgerus en souriant, « il n'y a pas deux manières d'être chrétien. Cet enfant n'est point gâté. Vous trouverez en lui une âme simple et fervente. J'ajoute qu'Augustin est fort ignorant. Un ami, le capitaine Courdimanche, lui a enseigné, tant bien que mal, les premiers principes des sciences et du latin. Il n'a rien lu que le martyrologe, la vie des pères du désert, des récits tirés de la Bible et quelques ouvrages d'histoire. Jamais il n'a quitté au fort le vieux. Il n'a pas de camarade de son âge, et son plus grand plaisir est de travailler au jardin. Faites donc comme il vous plaira votre plan d'étude. Je désire qu'Augustin reçoive une instruction générale et une éducation religieuse. Je ne vois en lui ni un futur savant, ni un futur officier, ni un futur magistrat. Qu'il devienne un homme et un chrétien Dieu lui révélera plus tard sa vocation particulière. » M. Forgerus sourit. « J'ai connu des mères de famille qui choisissaient, 20 ans à l'avance, la carrière de leur fils. Ils portaient encore les lisières que l'orgueil des parents prophétisait déjà. Tu seras préfet, tu seras général, tu entreras à l'académie, ou plus simplement, tu feras fortune. » Et ses parents étaient chrétiens. Préoccupés de donner un élève de plus aux écoles, un fonctionnaire de plus aux administrations, ils ne songeaient guère à donner un soldat de plus au Christ et un défenseur de l'Église. L'éducation religieuse, la formation d'une conscience chrétienne, cela regarde M. le vicaire, chargé du catéchisme de la paroisse. Qu'est-ce qu'un jeune homme bien pensant ? C'est un garçon qui a fait sa première communion, qui garde une certaine sympathie pour le culte et pour le clergé. Mais sa tendresse pour la religion ne va pas jusqu'à la défendre, ni même jusqu'à la pratiquer. « Oui, dit Madame de Chanteprie, ces jeunes gens ont appris les sciences, la littérature, les beaux-arts, mais ils connaissent peu ou point la doctrine chrétienne. Ils n'ont jamais lu les livres des saints docteurs. Nourris à l'école des poètes et des païens, ils ignorent les pères de l'Église. Saint Jérôme, Saint Ambroise, Saint Augustin. Regardez ce portrait, monsieur. C'est Gaston de Chanteprie. Il fut instruit aux petites écoles du Chesnay par M. de Beaupuis. Nos mémoires de famille racontent qu'il fut chrétien austère et grand savant. Il possédait à merveille les ouvrages de saint Augustin et pouvait tenir tête à 4 jésuites. Avec toute sa vertu et toute sa science, il était simple, comme un enfant. M. Forgerus souleva la lampe vers le cadre. Un pourpoint sombre, des cheveux sombres, se perdait dans le bitume du fond. Mais la face émergeait, la face d'une pâleur ardente, où vivaient les yeux bleus. « C'est une peinture de Philippe de Champaigne, » dit le précepteur. « Je reconnais le dessin précis, la couleur sobre du vieux maître. » Après l'exode des Chanteprie en Hollande, ces portraits tombèrent aux mains de mon arrière-grand-oncle Adhémar, qui les donna par testament à mon trisaïeul. Cet Adhémar affligea sa famille par le libertinage de son esprit et le désordre de ses mœurs. Il prétendait que l'homme était naturellement bon et préconisait le retour à la nature. C'était un disciple de Rousseau, un homme sensible. Oui, le sophiste de Genève avait corrompu son esprit et son cœur. La lecture de l'Héloïse acheva de le dépraver. Il fit construire un pavillon au fond du jardin et planter un bouquet d'arbres qu'il appela le bosquet de Julie. Ce pavillon devait abriter une danseuse, une certaine Rosalba Rosalinde, transfuge de l'opéra, et que les gens du roi recherchaient pour la conduire au repenti. Pendant 3 ans, M. de Chanteprie et cette créature vécurent ensemble, secrètement, occupés de musique et de jardinage. Ils cultivaient toutes les variétés du pavot, la fleur préférée d'Adhémar. Puis, un soir, le vieux laquais qui les servait trouva M. Chanteprie étendu sur un banc du bosquet. Mort d'apoplexie, la Rosalinde passa en Angleterre. « Et le pavillon existe encore ?» demanda M. Forgerus. « Assurément. J'ai fait réparer le premier étage et vous y trouverez un logement agréable. Ainsi, cette maison de péché deviendra une maison d'études et de prières. J'ai résolu de ne point intervenir dans l'éducation de mon fils. La femme ne sait pas élever l'homme. Vous vivrez donc, chez vous, servi par Jacquine, libre de sortir à votre fantaisie et de recevoir qui vous plaira. » M. Forgerus comprit que Madame de Chanteprie ne voulait pas loger sous son toit un homme célibataire qui n'était point son parent. « Je vous remercie 1000 fois, madame, mais je n'userai guère de cette liberté que vous m'accordez. Je n'ai plus de famille, je n'ai pas d'amis, et j'aime la solitude. » Soudain, un bruit de voix retentit dans le vestibule et la porte s'ouvrit, livrant passage à un ecclésiastique. Un vieux monsieur et une vieille dame suivaient. « Nous sommes allés jusqu'aux ruines, » dit le prêtre, « et mademoiselle Cariste a senti l'heure du dîner. « Monsieur le curé, » dit madame de Chanteprie, « voici monsieur Élie Forgerus, professeur au collège français de Beyrouth, qui veut bien faire l'éducation de mon fils. « Monsieur le curé de Hautfort, mademoiselle Cariste Courdimanche, le capitaine Courdimanche. » Jacquine annonçait « Madame est servie. » Après des saluts et des paroles cérémonieuses, la compagnie passa dans la salle à manger. Cette grande pièce, dallée de losanges blancs et noirs, tapissée d'un papier verdâtre, s'ouvrait 4 fois l'an, au jour des 4 fêtes principales. Thérèse Angélique de Chanteprie, Madame Angélique, comme on l'appelait familièrement, n'y recevait jamais que l'abbé Le Tourneur, curé de Hautfort, et le couple fraternel des vieux Courdimanche. Le capitaine, âgé de 65 ans, prêtait à rire par l'exagération d'un nez saillant et d'un menton osseux qui faisait penser à Don Quichotte. Et c'était un Don Quichotte, en effet, pacifique et tendre, qui n'avait d'autre amour que l'amour des pauvres, et d'autre folie que la folie de la croix. Dans la cour de son logis, il nourrissait des lapins par centaines, et la vente de ses bêtes augmentait le budget des charités. Tel qu'il était, avec son profil comique, son œil gauche crevé par un coup de baïonnette et noyé dans un larmoiement perpétuel, avec ses rudes cheveux gris, sa moustache en brosse, son cuir tanné et coloré, avec sa piété puérile, avec ses manies, avec ses lapins, le capitaine Courdimanche eût mérité une petite place dans le ciel à côté du père séraphique, amant de dame pauvreté et charmeur d'oiseaux. On disait bien qu'il avait vécu dans l'indifférence jusqu'à son tardif mariage, et que la mort de sa pieuse jeune femme avait opéré le miracle de sa conversion. Mais le capitaine n'avait jamais oublié tout à fait la religion pratiquée dès l'enfance, négligée pendant la jeunesse, retrouvée dès le premier deuil de l'âge mûr. Il avait besoin d'adorer, de vénérer, de servir. Esprit simple et simple cœur, incapable de raisonner et de discuter, il n'était pas redevenu chrétien. Il n'avait jamais cessé de l'être. La sœur du capitaine ne lui ressemblait pas. Elle gardait à 50 ans un charme puéril et candide, et ce n'était guère qu'une vieille enfant. À force de traîner dans les chapelles, ses robes conservaient une odeur d'encens, de jacinthe, de rose blanche. Ses joues étaient pâles comme des hosties. Ses mains semblaient modelées dans la cire des cierges neufs. Mademoiselle Cariste ne soupçonnait même pas l'amour, la curiosité, l'ambition, cette triple concupiscence qui est l'effet du péché originel. Son âme, engourdie dans l'innocence et l'ignorance, était toute fraîche encore du baptême. Ses jours s'égrenaient comme un chapelet d'ivoire, marqué par des pratiques pieuses, de petits chagrins, de petits plaisirs. Elle brodait des nappes d'autel, faisait des sirops et des confitures, reprisait les housses des meubles et les rideaux éblouissants des fenêtres. Chaque fois que l'heure sonnait, elle poussait une oraison jaculatoire qui lui valait 50 jours d'indulgence. Et c'était le bonheur, un bonheur tiède comme une chaufferette de vieille fille, clos comme un béguinage, pâle comme un printemps du Nord. L'abbé Le Tourneur, placé à sa gauche, s'empressait à la servir. Jeune encore, avenant, de belle taille, le menton gras et la joue rose, l'œil à fleur de tête, les cheveux argentés, il représentait le type accompli du curé de grande paroisse, excellent fonctionnaire et gentleman correct. Depuis quelques années, il collaborait à un journal du chef-lieu, La Croix Rambolitaine, où il prêchait la concorde, l'indulgence et l'union entre tous les gens honnêtes, mécontents du régime actuel. Il raconta qu'il avait fait une conférence chez son doyen, le curé du Petit Nofle, et qu'un sien confrère, le jeune curé de Rouvrenoir, lui avait reproché d'être trop bénévole et conciliant. L'abbé Vitalis étouffait frais et moulu du séminaire, et son zèle apostolique est parfois imprudent. À trop presser les âmes paresseuses, on risque de les fatiguer et de les dégoûter. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut sa conversion, dit Madame de Chanteprie. Je sais que vous êtes sévère pour les tièdes, répondit Monsieur Le Tourneur sur un ton d'affectueux respect. Oui, oui, par l'esprit, par le tempérament, vous êtes un peu janséniste. Oh, je ne mets pas en doute la pureté de votre foi, mais je reconnais en l'admirant votre intransigeance, naturellement opposée à mon opportunisme. Si j'ose employer ce mot emprunté au jargon parlementaire. Moi, je suis plein de miséricorde pour les gens qui veulent bien donner un peu d'eux-mêmes au bon Dieu. Quand ils ont mis le petit doigt dans l'engrenage, je sais bien que le corps tout entier y passera. Il y a beaucoup de ces âmes qui tiennent encore à nous par le lien de la tradition, de l'habitude et, faut-il le dire, de la couardise. Ils ne font guère d'efforts pour gagner le paradis, mais elles sont capables de faire un petit effort pour éviter l'enfer. Faut-il les envoyer au diable ? Ah que non, point. Ces indifférents, ces médiocres, composent la masse flottante où se recrute le petit nombre des élus. Ces âmes-là, je n'en veux décourager ou rebuter aucune. En temporisant, en profitant des circonstances favorables, je conduis mes gens où ils ne croyaient point aller, peut-être pas tout près du bon Dieu, au premier rang des saints, mais fort loin du diable. Pourtant, dit Forgerus, Jésus n'aimait pas les tièdes. Il a dit « Je les vomirai de ma bouche ». Je ne suis pas sûr que l'extrême indulgence des prêtres fortifie la foi des pénitents. Considérez la rigueur des évêques et des papes dans l'Église primitive. Lorsque la légèreté des paroles, l'imprudence des écrits, le mépris des sacrements étaient tenus pour des crimes et sévèrement châtiés, alors les jeûnes étaient fréquents et rigoureux, les pénitences publiques et terribles. Cette rude discipline faisait des âmes vigoureuses. « Il faut marcher avec son temps, » répliqua M. le tourneur, embarrassé. « Mais cette discussion doit ennuyer notre jeune ami, le troubler peut-être. Eh bien, mon petit Augustin, le voilà donc achevé, ce grand jour, cet heureux jour. » M. Forgerus admira la diversion. L'habile prêtre ne voulait pas blesser Mme Angélique, critiquer les ancêtres, et du même coup, il donnait une leçon de convenance à ce professeur laïque qui osait le contredire devant Augustin, son catéchumène d'hier. « C'est un moliniste égaré en pays étranger, » pensa Forgerus, amusé de la comparaison. « Que fait-il ici? Nous sommes en plein XVIIe siècle. N'est-ce pas une sœur des Agnès et des Angéliques qui préside le repas? Augustin ne ressemble-t-il pas à M. de Séricourt ou à M. de Luzancy, enfant? Est-ce Mademoiselle Courdimanche ou Mademoiselle de Vertu qui est assise près de moi? Le capitaine n'offre-t-il pas quelques traits de M. de Pontis ou de ce M. de la Petitière qui, par humilité, se fit le cordonnier de Port-Royal? Les grâces dites, Mademoiselle Cariste demanda son châle et les convives présentèrent leurs compliments à Madame de Chanteprie. Augustin avait disparu. La vieille servante, balançant contre sa jupe une lanterne allumée, vint chercher M. Forgerus pour le conduire au pavillon. Ils traversèrent ensemble un vestibule à carreaux blancs et noirs et descendirent un perron de trois marches. Alors, le faisceau lumineux éclaira la cour sablée, une avenue de tilleuls qui faisait dans l'ombre deux grands murs d'ombre plus opaques. Forgerus devina une longue terrasse, surplombant un gouffre noir, un balustre demi-ruiné, des vases de pierre. L'odeur de la nuit était fraîche et sauvage. Les fleurs refermées n'y mêlaient pas leur parfum, mais tous les arômes verts et rustiques de l'herbe, des sèves, des feuilles, composaient en s'unissant un accord indéfinissable. C'était comme une longue vibration embaumée, où se mariaient des philtres et des baumes, l'odeur âpre du thym, l'odeur glacée de la menthe, l'odeur fade du sureau. « Vous voilà chez vous, monsieur, » dit Jacquine. Levant sa lanterne, elle montrait le pavillon au balconnet cintré, aux œils de bœuf ronds sous un toit d'ardoise. À travers les vitres fêlées des quatre fenêtres et de la porte, des volets intérieurs apparaissaient blancs avec leurs filets d'or ternis par la poussière d'un siècle. La porte grinça. Forgerus pénétra dans une salle qui occupait toute la longueur du rez-de-chaussée. Les moulures des boiseries imitaient un treillage qui s'arrondissait en dôme aux angles du plafond. Des amours brandissaient les attributs du jardinage ou retenaient les festons d'une guirlande tressée de myrtes et de pavots. Le pavot couronnait le fronton de la porte, saignait le piédestal d'une flore mutilée, fleurissait les entrelacs de la mosaïque, emblème du sommeil enchanté que dorment les vieilles maisons. Le précepteur comprenait quelle raison de convenance l'avait fait exiler avec son élève au fond du jardin, derrière le bosquet de Julie. Mais il n'avait pas prévu la beauté romanesque du pavillon, ce décor de fête galante, ces images païennes qui surgissaient. Il regretta la maison du maître des requêtes, le logis où Madame Angélique vivait et priait seule, et que n'avait jamais profané l'amour. Cependant, l'homme au pavot n'eût pas reconnu sa retraite. Des cordes tendues supportaient les herbes sèches, des oignons en bottes, des chapelets de mousserons. Sur la mosaïque, des pommes de terre s'entassaient parmi les faïences et les ferrailles. Une araignée en boule pendait à un long fil invisible, et des papillons pelucheux, étourdis par la clarté, restait collé contre les vitrages. Sous les pieds de Jacquine, une souris fila. La vieille femme ne s'en émut guère. Éclairée de bas en haut par la lanterne qui projetait au plafond son ombre comique et démesurée, on eût dit la marraine de Cendrillon cherchant la citrouille magique ou le gros rat moustachu. Chacun de ses mouvements, déplaçant l'ombre et la lueur, éveillait des reflets nacrés sur la pelure des oignons et révélait les objets entassés par terre. Chaudron vêtu par la suie d'un beau noir velouté, cuivre jaune d'un flambeau, cuivre rouge d'une bouilloire pansue, cabossée à plaisir par les jeux errants de la lumière. « Ah ! » dit la vieille, « notre Augustin, mon cher fieu, il venait jouer dans cette salle quand il était encore tout petit. Bien souvent, je l'ai mené au grenier par l'échelle pour lui faire voir les bric-à-brac de l'ancien temps, les tableaux crevés, les sièges défoncés, les musiques qui ne chantent plus. Il y en a là-haut des choses d'avant la Révolution. Tout ça, c'était à l'ancêtre de madame, l'homme au pavot, comme on dit. » Elle ouvrit une porte dissimulée dans un panneau et démasqua le couloir qui conduisait à l'escalier. « Dites, monsieur le maître, » reprit-elle en montant, « vous ne le ferez pas trop travailler, mon petit fieu. C'est un enfant délicat qui n'a pas beaucoup de sang. Son pauvre père est mort de la poitrine. Il est habitué à la douceur, notre Augustin. » « Rassurez-vous, Jacquine, je suis doux et patient. » « Quand je dis la douceur, faut s'entendre. Madame ne l'a jamais battue et jamais caressée. C'est une sainte, madame. Ce n'est pas une mère comme les autres. Elle ne voulait pas le mariage. Elle voulait le couvent. Toute sa vie, elle pleurera de n'être pas religieuse. Allons, vous voilà arrivé, monsieur le maître. Votre chandelle est là, sur le carreau. Et voici des allumettes. Bien le bonsoir. » Elle salua Forgerus comme un égal. Son pas décrut dans l'escalier sonore. La porte du rez-de-chaussée gémit sourdement et tout rentra dans le silence. Fin de la section 2.